Le championnat canadien de vélo de montagne sera présenté à Saint-Félicien encore une fois cette année. Parce que une fois ou deux ans, donc c'est une grosse compétition encore une fois. On en parle avec le grand responsable Martin Demers. Salut Martin. Martin, bonjour. Compétition le 18 et 19 juin prochain. C'est une compétition encore relevée, j'imagine. Très relevée, bien le ça? Oui, bien, les Canadiens, on sait que c'est quand même la course la plus relevée de l'année dans le circuit de vélo de montagne. Ça fait que tous les athlètes doivent se présenter à cette course. OK. Est-ce que pour les coureurs Saint-Félicien, comment il est vu le parcours? Est-ce que c'est un parcours difficile pour les coureurs qui viennent à Saint-Félicien? Oui, je pense que cette année, on a quand même relevé un petit peu le parcours là, avec d'autres difficultés. OK. Fait que c'est quand même un parcours qui, il n'y a pas beaucoup de repos, là. Tu sais, tout le temps, en alternance, de descente, montée, beaucoup de single track qu'appelle, là. Donc, fait que, non, c'est assez exigeant, quand même. Je pense qu'il y a beaucoup d'ascensions autour. Puis cette année, ben, les parcours sont un peu plus petits. Okay. Fait qu'avant, on était sur environ, 5,2 km. On a enlevé 1 km. On était à 4,2. Okay. Fait qu'il y aura plus de tours à faire, fait que, okay. Ensemble, fait que je pense que ça devient tout le temps plus dur. On va dire ça, c'est plus dur vers la fin, vers les derniers tours. OK. Les têtes d'affiche, si je m'abuse, Marie-Hélène Prémont a pris sa retraite, c'est ça? Donc, les têtes d'affiche qu'on va retrouver à Saint-Félicien sont lesquelles? Bon, en fait, dans les femmes, vous avez Catherine Trendel, qui est quand même une top 10 mondiale, avec aussi Émilie Batty, okay, l'Ontario. Donc, tous les deux top 10 mondiales. Alors, je pense que ça va être une belle lutte entre ces deux demoiselles. Il y a quand même des demoiselles du Québec. Là, une demoiselle Pichette, je pense, de Québec, qui est assez forte. Fait que, dans les femmes, il y a quand même beaucoup. C'est assez relevé. Dans les hommes, bien, on a quand même une athlète régionale qui est très, très fort, là, Léandre Bouchard. Ouais, okay. Fait que Léandre peut faire facilement, à mon avis, pourrait même gagner les championnats canadiens si ce jeune homme tire une bonne course. Je sais qu'il y a quand même Jeff Cabouche qui va être là, deux Ontariens, qu'il faut me rappeler leur nom, qui sont assez forts. C'est quand même une belle lutte, là. Il y a sûrement une dizaine d'hommes là, qui peuvent facilement monter sur accéder à la première marche. Là, OK. Cabouche, c'est un vétéran de la compétition, là. C'est un vétéran, okay. Oui, mais un bon matin, ce vétéran-là peut tirer une grosse journée. Mais présentement, il y a quand même des bons athlètes au niveau du Québec, là. Entre autres, Léandre, puis d'autres athlètes là, qui performent. OK. Au niveau maintenant de toute la programmation, est-ce que bon, il y a les championnats canadiens, mais il doit y avoir des compétitions qu'on appelle sous-carte ou des compétitions qui vont vraiment là être présentées en amont de la grosse compétition. Ouais, donc on a quand même une belle programmation pour la semaine des Canadiens, là, parce que on a lancé dans le premier week-end, c'est-à-dire le 11 juillet, on va présenter une activité de masse là, qui est le 12 heures chlorophylle, mais que les gens peuvent faire en bloc de 6 heures, soit le 6 heures de jour ou le 6 heures de nuit qui va partir de 18 heures le soir à la 24 heures. Okay. C'est une activité de pour tout le monde, c'est un parcours facile qu'on enchaîne une boucle d'environ 3 quarts d'heure, hein, qu'on enchaîne le nombre de fois qu'on veut. Et c'est une activité avec des prix de participation. On a plus de 5 000 $ de prix de participation. OK, OK. Ça, c'est ce qui débute le premier week-end. Après ça, on s'en va le mercredi. On a un critérium de route qu'on organise avec le circuit régional de route là, à Saint-Félicien qui va présenter à 18 h au centre-ville. OK. Ça, c'est une nouvelle facette. Le jeudi soir, on enchaîne le début des Canadiens avec une course de démonstration là, qui s'appelle la course Eliminator, okay, qui est un parcours d'environ 800 mètres qui est présenté au centre de ski, dans le bas de la montagne. Fait que les compétiteurs partent 4 par 4, qui sont dans un groupe de 4, et on élimine 2 qui est d'eau pour faire un genre de poule qui va finir avec un gagnant. Okay. Ça va être assez à 19 h, la finale va avoir lieu à 19 h, ça va commencer vers l'heure du souper, 17 h. Et il va vers 19h, on va voir la finale de, ce, de cette compétition. Okay. Le vendredi, c'est une journée, on a organisé une journée avec MRC Domaine du Roi en forme. Avec le club Vélo 2 Max avait fait, avait construit un méga, mais, pomme track, là, un méga parc de vélo de montagne près de la polyvalente. Et avec la MRC Domaine du Roi, on a fait la, je fais une vidéo qui appelle ça la journée WIC. C'est une journée pour les jeunes. Il y aura plus de 500 jeunes qui vont, faire différentes activités sportives autour de la polyvalente, entre autres, des activités qui vont être attachées au pomme track. OK, OK. Fait que ça permet de promouvoir notre genre de on appelle notre petit réseau de montagne en ville là, pour initier les jeunes. Fait qu'à avoir lieu le vendredi. Le samedi, bien, vous avez les trois principales courses des championnats canadiens. Vous avez les cadets experts, les juniors experts qui vont partir vers 10h. À 11h30, on a les fans. OK. Experts. Et je pense qu'à vers 14h, on a les hommes aussi. Fait que, et la programmation est plus affichée sur le site de notre site web. Et vous avez aussi le dimanche, on a les courses un peu complémentaires aux championnats canadiens. Toutes les classes expertes et toutes les classes sports qui vont se présenter. Okay. Qui sont un peu les classes sports qui sont une Coupe du Québec. Donc, c'est une grosse programmation, là. Oui, c'est puis évidemment avec ça, on a compte tenu du 150e de Saint-Félicien, il y a un festival multirythme Saint-Félicien qui va être en même temps que notre programmation. Fait que le centre-ville va être animé et puis le 62. OK. Si on parlait maintenant du niveau du club Vélo 2 Max Saint-Félicien, cette année, est-ce que ça va bien? Oui, c'est une bonne saison. Ouais. On a quand même pas mal de calendage. Vous avez pu vous mettre aussi le centre d'Arbanard. OK, ouais, c'est ça, on va en parler. Oui, la ville, la ville avait laissé tomber. Elle ne voulait pas renouveler la licence de d'Arbanard. Ça fait que on a décidé de la prendre parce qu'on avait quand même un intérêt, nous, à continuer cette activité. C'est là, parce qu'on doit quand même tenir le site du personnel sur place. Donc, on essaie ça pour ça. OK. L'abandon, ce que j'ai pu comprendre dans le quotidien l'autre jour, c'est que vous avez laissé tomber le nom d'Abandon en raison que. Oui, ouais. C'est ça, la branche d'Abandon, ouais. La branche ou la concession pour le père. Fait qu'on a pris notre propre nom d'artiste aérien. OK, OK. Fait qu'on anime, ça nous permet pour nous d'animer ça quand notre vie, avec moins de contraintes. OK, OK. Est-ce que ça a été coûteux reprendre les activités quand même? Parce que l'équipement, vous avez dû reprendre ça, j'imagine. Donc, est-ce que ça a été coûteux? L'équipement, ouais. Je pense que tout était assez adéquat. Là. OK. Il n'y avait pas de problème majeur. C'était comme une mise à jour à faire des années. Mais quand même, on avait pas mal, je pense. On avait pas mal tout ce qu'il fallait là, pour le OK. Parle-moi des frères Véro. Cette année, je les annonce pas mal. J'en parle pas mal encore dans mes bulletins de sport. Ils vont quand même assez bien. Est-ce que leur progression est encore constante? Oui, surtout, surtout Victor. Okay. Cette année, il est dans la catégorie cadet expert. La semaine dernière, il a gagné le championnat québécois. OK. Ça fait que non, Victor va très très bien, son frère aussi William. C'est des deux jeunes qui s'entraînent quand même pas mal. Ça fait que ton entraîneur avec Alexandre Villeneuve-Gagné. Okay. Ça fait que je pense qu'ils sont dans une bonne lancée, là, les deux verrous, on va dire. Je pense qu'ils devraient bien performer. Il est encore trop tôt pour en parler de se projeter dans l'avenir, mais est-ce que un des deux pourrait percer sur le championnat canadien et faire bonne figure? Oui, t'as encore trop tôt? La catégorie cadette expert, Victor, est en tant que meilleur québécois. Okay. Pourrait peut-être arracher le titre canadien. Je pense que William, présentement, je pense, 5e ou 6e. Fait que, donc, William a encore un peu de marche à faire, mais compte tenu que c'est peut-être un parcours qu'il connaît bien, pourrait peut-être se démarquer pour une place. OK. Ben Martin Demers, un gros merci. On va se reparler très très bientôt. On va se voir à Saint-Félicien le 18 et 19 juillet. Comme d'habitude, l'entrée est gratuite. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre à cette activité-là. Voilà, Martin Demers, le grand responsable du championnat canadien de vélo de montagne à Saint-Félicien.